من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Donc aujourd'hui on va changer un peu de sujet. Donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude que généralement le dimanche on fait du tafsir. Donc alhamdoulillah on a fini le tafsir de la sourate Wattin Wazzaytoun jusqu'à sourate An-Nas. Mais comme j'avais dit, de temps en temps on fait une pause pour pas que ce soit que du tafsir toujours. Donc là on va parler un peu d'un autre sujet. On a déjà parlé de fiqh, on a déjà parlé de pas mal de choses. Aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle Al-Aqidah, c'est-à-dire le dogme, la croyance des musulmans. Mais on va en parler à travers les paroles de l'imam Malik, rahimahullah, comme on a fait vendredi en fait. En fait, je vais reprendre ce que j'ai fait vendredi, mais à peu près trois fois plus, avec trois fois plus ou quatre fois plus de paroles que ce que j'ai cité dans la khutbah. Donc ça, c'est un sujet, si vous voulez, qu'on appelle l'aqida, le dogme ou la croyance, ou que les anciens appelaient également as-sunnah, la sunnah, c'est-à-dire la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un sujet en vérité dont on entend peu parler. Alors que si on revient aux anciens écrits, eh bien les savants auparavant, à la génération par exemple de l'imam Malik et ceux qui lui ont succédé, eh bien, ils parlaient beaucoup de ça et ils écrivaient beaucoup sur ça. Ce sujet qu'on appelle As-Sunnah. Et beaucoup d'entre eux écrivaient des livres qu'ils appelaient As-Sunnah. Ou alors Usul As-Sunnah, c'est-à-dire les fondements de la Sunnah. Eh bien Sharh As-Sunnah, c'est-à-dire l'explication de la Sunnah. Si on revient aux anciens, on voit que on trouve beaucoup d'écrits de leur part qui s'appelaient de cette façon. Donc qu'est-ce qu'ils entendaient par le mot As-Sunnah? En fait, par le mot As-Sunnah, on entend Sunnatun Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans le hadith de l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, qui est le hadith de Al-Iyabad ibn Sariya, radiallahu anhu, qui a dit « Wa'adana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, maw'idatan baliga » وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبِ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونِ. C'est-à-dire un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était peu avant sa mort, nous a fait une exhortation qui a fait trembler nos cœurs et qui a fait pleurer nos yeux. فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةٌ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا. Et donc nous avons dit au messager d'Allah, on dirait l'exhortation de quelqu'un qui va bientôt nous quitter, alors donne-nous un conseil. قَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ. Alors il a dit sallallahu alayhi wa sallam, je vous recommande la taqwa, la crainte d'Allah, وَالسَّمْعَ وَالطَّاعَ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي. Il a dit, et le fait d'obéir et d'écouter vos dirigeants, même si c'est un esclave éthiopien qui vous dirige, un esclave abyssinien. Ensuite il a dit, et c'est là le morceau du hadith qui nous intéresse ici, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Il a dit, celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. C'est-à-dire qu'au sein de l'islam, il va y avoir plein de divergences. Plein d'avis opposés, plein d'avis différents, etc. Plein de directions opposées les unes aux autres. Fa'alaykum bi sunnati. Alors vous devez, alaykum, c'est-à-dire vous devez prendre, vous devez adopter, vous devez suivre. Sunnati, ma sunna. Donc là, le mot sunna, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, eh bien, c'est simple, son sens dans la langue arabe. Parce que le mot sunna dans la langue arabe, il veut dire as-sira wa tariqa. C'est-à-dire le modèle d'une personne, la voie d'une personne. La méthode, entre guillemets, d'une personne. C'est l'exemple d'une personne. C'est ça le sens du mot sunna dans l'islam. D'où le verbe sanna. Sanna qui veut dire instaurer quelque chose. Instaurer un truc à faire ou un modèle. Donc il a dit, vous devez suivre ma sunna. Donc là, le mot sunna tel qu'on l'entend, c'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre, par exemple dans les cours sur la prière, sur les ablutions. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, par exemple, faire trois fois ses ablutions, laver trois fois les mains, c'est, comment on dit, sunna. Mais ici, c'est dans quel sens sunna? Dans le sens où? Ah, Rachid, t'es là? Si on... Non, non, justement, dans les cours de fiqh, quand on dit par exemple, là, faire le siwak pour l'eau, c'est sunna. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Dans le sens où c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que les fuqaha, après c'est-à-dire des siècles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans leurs livres et leur langage, ils ont employé le mot sunna pour désigner ce qui n'est pas obligatoire. Et ça, de leur part, c'est pas blâmable. Parce que c'est ce qu'on appelle de l'istilah, c'est du lexique. Chaque discipline dans l'islam, elle a son lexique. D'accord? En nahou, en grammaire, il y a un lexique. Marfou, mansoub, majrour. Si tu peux chercher dans le Coran autant que tu veux ces mots-là, marfou, mansoub, majrour, tu ne vas pas les trouver. C'est un lexique qu'on a inventé pour expliquer une discipline. Mais dans le fiqh, c'est la même chose. Et dans le fiqh, on utilise le mot sunnah pour dire ce qui n'est pas obligatoire. Mais à la base, dans les textes, c'est-à-dire dans le Coran, dans les hadiths et dans le langage des anciens comme les sahaba ou l'imam Malik, le mot sunnah, il ne veut pas dire ça. Le mot sunnah, il signifie bien la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'islam tel que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a enseigné. Donc pourquoi ils ont beaucoup employé ce mot sunnah? Et d'ailleurs, à la fin du hadith, qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Fa'alikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ir-rashidin. Et la sunna de mes successeurs bien guidés, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, ou plus généralement tous les sahaba, parce que tous les sahaba, on peut dire d'eux qu'ils ont succédé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bon, je ne vais pas trop m'étendre sur ça. Le deuxième point, c'est de parler, avant de lire les paroles de l'imam Malik, de l'imam Malik lui-même. Donc l'imam Malik, il est mort en 179 de l'Hégire, et il est né en 96, si je me souviens bien, ou 97, de l'Hégire. Donc il est né à peu près 100 ans après l'Hijra, à peu près 90 ans après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il est né à Médine, et il est mort à Médine, et il a appris à Médine, et il a enseigné à Médine. Et contrairement aux autres imams de sa génération, quand on lit leur biographie, l'imam Malik n'est pas sorti de Médine. Sauf pourquoi, à votre avis? Pour le Hajj ou la Umrah. Mais si on compare à l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, on voit chez eux énormément de voyages à la recherche du savoir, à la recherche du hadith, du fiqh, etc. L'imam Malik, lui, n'est pas sorti. Pourquoi? Tout simplement parce que bien Médine, c'était un des quatre pôles du savoir à l'époque de l'imam Malik. Quels sont les trois autres? Hein? Non. Bagdad, je crois bien que ça n'existait même pas. Attends, que je me souvienne. Allah alam. Al-Kufa, exactement. Al-Kufa, Al-Basra, ça c'est en Irak. Et Mecca. C'était ça les quatre pôles. Donc deux villes au Hijaz, Mecca et Médine, et deux villes qui étaient des villes nouvelles d'ailleurs, Al-Kufa et Al-Basra, en Irak. C'était là les grands pôles du Ilm. Mecca et Médine, bah on comprend pourquoi. Et le Koufa et le Basra, pourquoi? Parce que eh bien, il y avait de grands savants parmi les Sahaba qui étaient là-bas et qui ont laissé un héritage. Comme qui par exemple? Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Anas ibn Malik. Et d'autres bien sûr. Mais principalement ceux-là, Ali et Abdullah ibn Mas'ud. Donc l'imam Malik, rahimahullah, il fait partie de ces gens. Donc il est de la troisième génération de l'islam. C'est-à-dire que ses enseignants étaient les tabi'in, des tabi'in. Comme Al-Zuhri, par exemple, ou comme Abdurrahman ibn Hormuz, qu'on appelait Al-A'raj, et d'autres. Donc ça, c'est ses chouyoukhs les plus connus. Donc d'eux, il a pris le fiqh, il a pris le hadith, et il a pris le fiqh et le hadith, c'est-à-dire de ces gens-là. Ces gens, ils lui ont transmis le savoir de qui, surtout? Vous savez ça? De qui est-ce que l'imam Malik a pris le savoir surtout, mais sans indirectement, en sautant une génération après ce qu'on appelle al-fuqaha ou sab'a, les sept fuqaha. C'était sept grands savants qu'on appelait les sept fuqaha de Médine, et c'était des enfants de sahaba. Donc c'était des tabi'in, mais l'imam Malik il ne les a pas rencontrés parce que, si vous voulez, au sein d'une génération comme Sahaba, Tabi'in, ben en fait, au sein d'une génération, il y a plein de différences d'âge. Par exemple, Az-Zuhri, le cheikh de l'imam Malik, qui était un Tabi'in, en fait, il a juste vu un ou deux compagnons. Ça a fait de lui un Tabi'in. Alors que Saïd ibn Musayyib, lui, il a connu Uthman ibn Affan. Ça n'a rien à voir. Mais tous, ils sont dans la génération des Tabi'in. Pourquoi? Parce qu'ils remplissent ce critère qui est d'avoir vu ou connu des sahaba. Donc ils en aient connu un ou 200, ben ça fait deux des tabi'in. Donc l'imam Malik, lui, il a appris chez des tabi'in qui étaient de la classe, entre guillemets, moyenne ou petite dans l'âge des tabi'in. Et il a surtout hérité du savoir de ceux qu'on appelait donc al-fuqaha as-sab'a, les sept grands fuqaha de Médine, dont leur savoir était hérité de Aïcha, radiallahu anha, Abu Huraira, radiallahu anha. Allez-y, à qui encore? Les grands savants de Médine à l'époque des Sahaba, Ubay ibn Ka'b, radiallahu anha, Saïd al-Khudri, Abu Saïd al-Khudri, radiallahu anha, Omar. Quel est le sahabi vraiment qui distingue l'imam Malik par rapport aux autres, dont il a pris presque toute la science par l'intermédiaire d'une seule personne? C'est Abdullah ibn Omar. Il a pris presque tout son savoir par l'intermédiaire d'une seule personne, qui est Nafi'. Nafi', c'était un perse qui n'était pas musulman. Quand les musulmans ont conquis l'empire perse, lui il s'est retrouvé esclave chez Abdullah ibn Omar. C'était comme ça en temps de guerre. Et il est entré dans l'islam et c'est devenu donc l'élève de Abdullah ibn Omar. Et lui, il est devenu ensuite un des grands imams, un des grands savants de l'islam. Et c'était le cheikh de Malik. C'est pour ça que dans les chaînes de transmission les plus petites, dans les livres de hadith, on a, si vous prenez le muwatta, l'imam Malik dit, il dit, Nafi' m'a dit, que Abdullah ibn Omar m'a dit, que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Ben ça, c'est très très court comme chaîne. D'habitude, une chaîne de transmission, c'est plus long que ça. Donc l'imam Malik, il avait des chaînes très courtes par Nafi' et Abdullah ibn Omar. Bon, l'imam Malik, on pourrait faire 2-3 cours sur lui. Le but, c'est pas non plus que je vous fasse un cours sur ça. Mais quand même, qu'on ait un aperçu, puis qu'on se plonge un peu dans l'époque, qu'on s'évade un petit peu, hein, ça fait du bien de parler de ces gens-là. Sachant que ces gens-là, c'est nos modèles. Donc l'imam Malik, rahimahullah, il a passé sa vie à apprendre et ensuite à enseigner au point de devenir un des grands modèles et une des grandes références des musulmans dans tous les domaines. Et surtout dans le domaine de sunna, c'est-à-dire quelle est la voie de l'islam, par exemple sur les divergences dogmatiques qu'il y a eu à l'époque des anciens, comme l'imam Malik. Il y a des gens qui sont apparus qui ont dit le Coran c'est une création d'Allah. Ça, je vous donne juste un exemple en fait, pour que vous compreniez ce que je veux dire. Des gens sont apparus, ils ont philosophé, ils ont dit en fait le Coran c'est pas la parole d'Allah, c'est une création d'Allah. Mais dans ce sujet, si l'imam Malik nous dit le Coran c'est pas la création d'Allah, c'est tout, c'est une référence. Vous comprenez? L'imam Malik, comme l'imam Ahmed ou les autres, quand ils disent quelque chose sur un point de la croyance, on n'a plus besoin de discuter. Parce que ces gens-là, c'est les références indiscutables de l'islam. Également, il y a une référence dans le fiqh. L'imam Malik, il s'est distingué par le fiqh. Au point où, depuis à peu près donc 1200 ans, eh bien, le fiqh de l'imam Malik, il a formé une école, ce qu'on appelle en arabe, un madhhab. Donc un madhhab parmi les quatre madhhab que les musulmans ils suivent depuis à peu près 1200 ans, qui sont le mazhab 2, dans l'ordre chronologique. Allez, aujourd'hui, je vous titille un peu. Abu Hanifa, qui était en Irak, lui. Ensuite, l'imam Malik. Ensuite, Al-Shafi'i. Et le dernier chronologiquement, c'est Ahmed ibn Hanbal. Eh bien, depuis 1200 ans, tous les savants, les savants de l'islam, les fuqaha, les juristes qui ont une valeur et qui comptent chez les musulmans, tous s'apparentent à un des quatre madhhabs. C'est-à-dire que tous, ils font partie d'une de ces quatre écoles. C'est-à-dire qu'ils ont appris selon cette école et ils fonctionnent selon la méthode de cette école. Même si après, dans leur verdict, ils peuvent diverger de leur propre école, ça c'est pas un problème, mais dans la méthode et l'apprentissage ils sont sur cette école. Donc l'imam Malik son fiqh, eh bien il est la source d'une des quatre écoles. Quelqu'un il pourrait me dire bah c'est un peu bizarre, des sahaba il y en avait plein, des fuqaha parmi les tabi'in il y en avait plein, des savants à l'époque de l'imam Malik il n'y en avait pas que quatre. Déjà ils n'étaient pas à la même époque les quatre. L'imam Ahmed, il n'a pas rencontré l'imam Malik. Il était petit quand l'imam Malik est mort. Donc comment ça se fait qu'il y a quatre écoles? Pourquoi pas cinq, six? Pourquoi déjà des écoles? Et puis pourquoi Alors la réponse à ça, elle est simple, et c'est important d'entendre ça pour comprendre sa religion, comment apprendre correctement sa religion, et aussi distinguer qui c'est qui te parle de n'importe quoi de celui qui te parle de quelque chose de solide. En fait, ces quatre madhhabs, c'est pas qu'on a dit, on a regardé tous les savants du début de l'islam, puis on a dit non, lui on enlève, lui on enlève, lui on enlève, lui on enlève, puis il nous en reste que quatre. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est plus dans ce sens-là. C'est qu'on a tout ça, et tout ça, ça finit dans les quatre. C'est plus comme ça qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire que tout le fiqh des sahaba et des tabi'in, et tout le fiqh des sahaba et des tabi'in qui a été prononcé, et qui n'a pas été, c'est-à-dire en dehors des avis isolés, parce que des fois on peut trouver des avis isolés que toute la communauté a délaissés, chez un compagnon ou chez un tabi'in, dans le fiqh, ben, tout ce qui n'est pas isolé, tout ça, tu le retrouves dans les quatre écoles. Comment? Parce que les quatre écoles, il ne faut pas que vous pensiez que, par exemple, l'imam Malik, sur chaque sujet, voilà, il a un avis, ça c'est une école. Non. Sur chaque sujet, de l'imam Malik lui-même, il y a plusieurs avis qui sont rapportés. Ou alors, il n'y a pas d'avis de l'imam Malik qui est rapporté, donc les savants de son école, ils discutent de ce sujet. Et parfois, ils peuvent arriver à deux ou trois avis. Donc en vérité, au sein des quatre écoles, des avis, il y en a plein. Et tous ces avis, eh bien, en fait, c'est le résultat du fiqh de tout ce qu'il y avait avant. C'est bon, vous suivez. Je suis pas en train de. Il faut bien suivre le fil, il n'y a rien de compliqué à ce que je raconte. C'est juste pour dire que les autres fiqh, en vérité, n'ont pas disparu. On les retrouve au sein des quatre écoles. Donc, par exemple, à l'époque de l'imam Malik, il y avait d'autres savants qui faisaient la fatwa. Chez qui les gens revenaient, et qui n'étaient pas moindres que l'imam Malik, qui était au même niveau que lui, au même niveau de science et au même niveau de considération. Par exemple, il y avait Al-Layth ibn Sa'd en Égypte. Il y avait Abu Amr al-Awza'i au Cham, c'est-à-dire en Syrie, enfin Syrie, Palestine. Il y avait Soufiane al-Thawri en Irak. Eux également, c'était comme l'imam Malik, c'est-à-dire c'était une institution. Mais leur madhhab, il s'est perdu. C'est-à-dire leur fiqh, il s'est. Il n'y a pas des gens qui ont noté tout ce qu'ils disaient, qui ont fait attention à bien comprendre leur méthodologie, et qui ont noté tout ça comme ça a été fait pour les quatre autres. Donc Allah a destiné que ce qui est resté comme madhhab, comme école, comme institution, c'est celle de ces quatre-là. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a quoi que ce soit qu'on ait perdu, parce que pour les raisons que je viens de vous expliquer. Donc dans le fiqh, l'imam Malik, qui fait partie de ces quatre écoles. Et les savants, ils sont unanimes. Ça, retenez-le bien, ça va vous aider, ça. Les savants sont unanimes pour dire que un musulman, pour adorer Allah, s'il adore Allah selon une de ces quatre écoles, il a fait ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire, si tu prends le fiqh d'Abu Hanifa, le madhhab Hanafi, tu le prends du début jusqu'à la fin. Toi, tu dis, écoute, moi je suis boucher, j'ai des enfants. Moi, j'ai pas que ça à faire d'apprendre les questions de fiqh, les dalils et tout. Moi, je comprends rien, tout ça. Moi, je suis un simple musulman. Quel est mon devoir? Et tu suis une de ces quatre écoles du début jusqu'à la fin. Eh bien, à l'unanimité des savants, tu es irréprochable. Vous avez compris? Parce que c'est ça le devoir du ce qu'on appelle Al-Ammi. Al-Ammi, c'est vous et moi, c'est-à-dire les musulmans. Simple. Et on n'est pas là à faire des ijtihad et tout ça. Leur devoir, c'est de suivre. Suivre quoi? Eh bien voilà, il y a quatre écoles. Et quand on dit les quatre écoles, comme je vous ai expliqué, par exemple, si tu suis le madhhab maliki, le madhhab de l'imam Malik, en vérité, ça ne veut pas dire que tu vas suivre vraiment l'imam Malik dans tout. Parce que parfois, la parole, l'avis peut venir de l'imam Malik et parfois il peut venir de quelqu'un d'autre, qui est du madhhab de l'imam Malik. Vous avez compris? Donc, par exemple, dans le madhhab de l'imam Ahmed, en vérité, une grande partie du fiqh Hanbali, de l'école Hanbali, ben, ce n'est pas directement l'imam Ahmed qui l'a dit. On n'a pas de trace de ce qu'Ahmed a dit sur tel ou tel sujet. Alors, comment on l'a dit? Eh bien, c'est les savants de son madhhab. Comment? Ça, je ne peux pas vous expliquer, c'est trop long. Eh bien, ils ont déduit. Mais en étant en accord avec la méthodologie de l'imam Ahmed. Et donc, ils disent on peut se permettre de l'attribuer au mazhab de l'imam Ahmed, même si c'est pas lui qui l'a dit. Eh bien, même si c'est pas l'imam Ahmed qui l'a dit, ça, toi, tu peux suivre. Parce que c'est des sommités qui ont dit ça, c'est le mazhab de l'imam Ahmed. Et donc, tu es dispensé. Maintenant, si quelqu'un il veut pas rester un simple ami et il veut étudier, eh bien, c'est la même chose. Ça fait 1200 ans que les juristes musulmans, quand ils veulent étudier l'islam et étudier le fiqh, tu peux pas prendre Sahih al-Bukhari et chercher à comprendre les hadiths, et puis de là tu retires le fiqh. Tu peux étudier Sahih al-Bukhari, c'est bien. Mais moi je parle du fiqh. C'est-à-dire les règles de la salat, du mariage, du commerce, etc. Il faut que tu passes par une des quatre écoles. C'est ce que les musulmans y font depuis 1200 ans. Et tous les juristes qui comptent dans l'histoire de l'islam, ils font partie d'une des quatre écoles. Même si vous connaissez Ibn Taymiyyah, tout le monde a entendu parler d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, il était connu pour être un, pour avoir ses propres avis. Et beaucoup de juristes musulmans, de grands savants musulmans, considèrent que c'était un mujtahid mutlaq, comme les quatre imams. Il avait son propre ijtihad. Eh bien, Ibn Taymiyyah ne sort pas du madhhab hanbali. En vérité, sa méthodologie, c'est celle de l'imam Ahmed. Il a pas inventé de nouvelles règles, il n'a pas inventé de nouvelles bases. Il fait partie des savants du madhhab hanbali. Au point où, quand il diverge de ce qui est connu dans le madhhab, eh bien, on considère ça comme une des versions du madhhab, ce qu'a dit Ibn Taymiyyah. Tout ça, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pour qu'on s'habitue et qu'on sache déjà à respecter ces quatre écoles et à savoir quelle est la place de ces quatre écoles. Et que c'est pas de la blague. Et qu'on ne vient pas du roi, les quatre écoles, c'est n'importe quoi, etc. C'est quand on manque de considération pour ces quatre écoles et qu'on leur enlève de leur valeur, c'est ça qui ouvre la porte à ce que quelqu'un il dise ce qu'il veut et il dise n'importe quoi. Soit dans le sens du laxisme, c'est-à-dire il peut autoriser tout ce qu'il veut, soit dans le sens de l'extrémisme. Pourquoi? Parce que si on sort de ces quatre écoles, bah c'est un peu la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que même beaucoup de savants, ils stipulent qu'il est interdit de prononcer un avis qui n'est pas dans les quatre écoles et de sortir de ces quatre écoles. Et qu'il n'y a rien en dehors de ces quatre écoles, tout simplement. Pourquoi je vous raconte tout ça? En fait, j'ai fait une grosse parenthèse. Bon, déjà, c'est intéressant, tout ça, faut le savoir quand même. Mais c'était à la base pour qu'on comprenne qui est l'imam Malik. Et que c'est pas une blague. Quand on parle de l'imam Malik, on n'est pas en train de. On ne parle pas de n'importe qui. Là, ça c'est les références de l'islam, comme les trois autres. Et il n'y a pas que ces quatre, il y en a beaucoup. Mais si on parle du fiqh, ce sont ces quatre-là. Après, l'imam Malik, il est une référence également dans quoi, à votre avis? Et surtout dans quoi même? Dans le hadith. Donc on a dit dans As-Sunnah, c'est-à-dire dans la voie à suivre, le dogme, la croyance, comment je crois en Allah, comment je considère les compagnons du prophète, qu'est-ce que je crois par rapport au destin, tout ça on peut l'appeler As-Sunnah. Eh bien l'imam Malik c'est une référence dans ça. Dans le fiqh, on a expliqué avec les quatre écoles, et dans le hadith. Le hadith qu'est-ce que c'est? C'est le fait de rapporter les paroles du prophète ou les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais avec des chaînes de transmission. C'est-à-dire que l'imam Malik, quand il dit le prophète a dit, lui il n'a pas rencontré le prophète, on est d'accord, sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment il rapporte ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit, et ce quelqu'un, il y a quelqu'un qui lui a dit, comme je vous ai cité l'exemple tout à l'heure. Or, c'est on m'a dit, qu'on a dit, qu'on a dit, ben, tout ça c'est une discipline, tout ça c'est une science. C'est une grande science même, les sciences du hadith. Pourquoi? Parce que ben, dans tous ces gens qui rapportaient des hadiths, il y en a qui n'avaient pas une bonne mémoire. Il y en a qu'on ne connaissait pas, on ne pouvait pas savoir si on leur fait confiance ou pas. Il y en a qui étaient des hérétiques, et des hérétiques, on appelle ça da'at, c'est-à-dire des leaders de l'hérésie, qui appelaient à leur hérésie. Donc ils pouvaient dire tout ce qu'ils voulaient sur le prophète, on ne le calculait pas, on le mettait de côté, sur la touche. Il y en a qui étaient des menteurs, ils mentaient, soit pour des raisons politiques ou pour des raisons sectaires. Donc bah, tout ça a fait que les savants, ils ont dû faire attention, qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on ne prend pas dans tout ça. Et bien dans ça, dans les disciplines, cette discipline qu'on appelle le hadith, l'imam Malik, lui, c'est une sommité, c'est-à-dire c'est dans le grand top du hadith. Et surtout dans sa génération. c'est-à-dire dans la troisième génération de l'islam, les sommités du hadith, ils sont trois. C'est Malik ibn Anas, Shu'ba ibn al-Hajjaj, qui est en Irak, et Soufiane al-Thawri, dont on a parlé il y a 10 jours dans la khutbah. On avait lu la lettre qu'il avait écrite à quelqu'un. Et eux, c'est ce qu'on appelle dans le hadith, dans le vocabulaire du hadith, ils sont une hujja. Hujja en arabe, qu'est-ce que ça veut dire? Un argument, une preuve. Pourquoi on les appelle des preuves, ces gens-là? Parce que les savants du hadith, quand ils veulent évaluer la valeur d'un rapporteur, comment ils font? Il y a des critères. Mais c'est-à-dire qu'il y a un rapporteur, par exemple, on trouve, enfin, quand je dis on trouve, c'est eux qui trouvaient, il y a 1000 ans, c'est pas nous. Mais on trouve que, voilà, ce rapporteur, il rapporte des hadiths. Mais on ne sait pas est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, etc. Eh bien, pour savoir s'il est bon, ils vont prendre, par exemple, il a rapporté 30 hadiths seulement. Selon tel shir, et tel shir, et tel shir. Eh bien, on va prendre ces hadiths, et on regarde. Par exemple, il rapporte les hadiths des mêmes shuyukh que l'imam Malik. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On compare ces versions aux versions de l'imam Malik. Vous avez compris? Ça veut dire que l'imam Malik, c'est quoi lui? C'est la référence indiscutable. Ses hadiths à lui, ils sont bons, c'est indiscutable. Et lui, par contre, on ne sait pas. Donc on va comparer. Et si on se rend compte qu'à chaque fois qu'il rapporte un hadith, il dit la même chose que l'imam Malik, et peut-être il se trompe une ou deux fois, on va dire thiqa. Lui, c'est un bon dans le hadith. C'est ça que ça signifie, hujja. Et pour vous dire jusqu'où ça va, il y a des grands imams du hadith, ils ont été jusqu'à chercher, à étudier, à compter les erreurs des différents imams, et notamment de ces trois-là, Shu'ba, Soufiane al-Thawri et Malik, parce que même ce sont des hommes, ils peuvent se tromper. Mais leurs erreurs, pour les grands savants du hadith, qui étudient tout le hadith de A jusqu'à Z, ils les connaissent. Et je ne sais plus qui c'est ce grand savant du hadith qui disait qu'il avait cherché, il avait trouvé tant d'erreurs à Soufiane al-Thawri, c'était même pas 10, même pas 10 dans des milliers de hadiths. Hein. Shu'ba, un petit peu plus, et l'imam Malik, il dit lui, j'ai pas trouvé d'erreur, sauf dans les noms des rapporteurs. Que par exemple, le dire Abbad, il va dire Abbas, par exemple. Ou le dire Salam, il dit Salam. Ça, c'est des erreurs qui arrivaient dans les prénoms et les noms des rapporteurs. Ou alors, par exemple, au lieu de dire le nom de la tribu, As-Salami, il dit As-Sulami. C'est une autre tribu. Parce que Salam, ça vient de... Ben, on va faire un peu de sorf. Si je dis As-Salami, il vient de qui? Jawad, tu dois savoir, toi. Non? Si je dis Foulan, As-Salami, ça veut dire il vient de Bani. As-Salami. Non. Aslam, c'est l'aslami. Salim. Et si je dis as-Sulami, c'est Sulaim. Quand les noms, par exemple, Sulaim ou bien Muzaina, c'est pour ça que vous trouvez un sahabi qui s'appelle Al-Muzani. Il vient de la tribu Pamazina. Muzaina. Si c'était Mazina, on aurait dit Al-Mazani. Comme il y avait deux grandes tribus, Bani Sulaim, Bani Salim. Bani Salim ont dit As-Salami, Bani Sulaim ont dit As-Sulami. J'aime bien vous raconter des trucs comme ça parce que ça donne envie en fait. Ça donne envie d'apprendre un petit peu. Bon, on va s'arrêter là pour l'imam Malik. Et là, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, bien sûr, le dars, c'est pas comme le dars de tafsir. Le dars de tafsir, on entend la parole d'Allah, on explique, on rapporte ce que les sahabas ont dit sur tafsir, etc. Là, on va parler d'Aqidah, c'est un sujet qui est un peu plus technique. Et puis, on va entendre des paroles parfois de l'imam Malik qui peuvent être un peu ce qui vont nous heurter. Quand l'imam Malik il va dire, par exemple, malédiction à celui qui dit ceci. Celui qui dit cela, on va entendre des paroles comme ça. Celui qui dit cela doit être tué. Parce que l'imam Malik, c'est un moufti. C'est-à-dire, il montre le dans le califat à l'époque, qu'est-ce qui doit arriver à celui qui dit telle chose. Donc ça ne veut pas dire que toi et moi, si on entend quelqu'un qui dit ça, on doit les tuer. C'est pas ça qu'il faut comprendre. Lui, il parle dans le cadre d'un état. Donc nous, on n'est pas dans ce cadre-là. Donc c'est des paroles qui peuvent heurter. Mais pourquoi elles heurtent? Parce que, bah déjà parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça. Et également parce que bah c'est un sujet qui est grave. Justement, ce sujet, il est très grave. Pourquoi? Parce que si la personne elle glisse de sunna, elle sort vers quoi? Allah dit dans le Coran, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Voici mon chemin dans toute sa rectitude, alors suivez-le. Wala tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabil. Et ne suivez pas les chemins qui vous écarteraient de son chemin. Donc si tu sors du chemin, tu tombes dans les mauvais chemins. Donc c'est pour ça que quand on lit les paroles de Malik, Ahmed, etc. sur ces sujets-là, ils étaient très très durs. Et on va le voir tout de suite. Donc, d'où est-ce que je sors toutes ces paroles de l'imam Malik? Alors c'est un livre qui s'appelle Al-Jami' fi aqaidi wa rasa'il ahli sunnati wal athar. C'est quelqu'un de contemporain qui est encore vivant, qui l'a écrit, qui s'appelle Adil Al-Hamdan. En fait, il a fait un livre qui réunit des écrits sur le dogme, que sur le dogme, sur ce sujet dont on parle depuis tout à l'heure, As-Sunnah, etc. Mais que des anciens. Et quand je vous dis anciens, c'est-à-dire que le plus ancien qu'il y a dans son livre, c'est Omar ibn al-Khattab. Il y a une lettre de Omar ibn al-Khattab dans le livre. Ensuite, à la génération des Tabi'in, il y a une lettre de Saïd ibn Jubayr et de Omar ibn Abdelaziz. Pour vous dire comment ça remonte très loin. Et comment cette ni'ma d'Allah qui fait que on a des écrits de gens qui vivaient il y a 1300 ans ou plus. On les a encore. Et d'où est-ce que lui-même il a tiré tous ces écrits? Lui, il a Adil al-Hamdan. Comment il sait que l'imam Malik il a dit ça? Eh bien, en fait, vu l'importance de ces gens-là, de l'imam Malik, de l'imam Ahmed, de Soufiane al-Thawri, bien, comme pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leurs paroles, elles étaient, les gens les enregistraient, leurs paroles. Ou parfois, ils dictaient aux gens leurs paroles sur certains sujets. Et après, les gens donc les mettaient à l'écrit et ça se transmettait de génération en génération. Et donc, avec des chaînes de transmission, ce qu'on appelle en arabe al-isnad, comme pour les hadiths. Et donc, il y a des livres qui existent dans l'islam où on retrouve les paroles de l'imam Malik, l'imam Ahmed, etc., mais avec des asanides, avec des chaînes de transmission qui remontent jusqu'à ces grands personnages. Donc ça ne sort pas de nulle part. Donc l'imam Malik, lui, il n'avait pas un livre sur le dogme. En comparaison, par exemple, à l'imam Shafi'i ou l'imam Ahmed, eux, ils ont écrit des livres sur ce sujet. L'imam Malik n'a pas écrit sur ce sujet. L'imam Malik, il a écrit sur beaucoup de sujets, mais il n'a pas écrit un livre où il parle de toute la croyance des musulmans. Mais si vous voulez, ces paroles, elles ont été rapportées dans plusieurs sujets. Donc lui, ce qu'il a fait, l'écrivain, l'auteur du livre, c'est qu'il a réuni plein de paroles de l'imam Malik qui sont dispersées dans différents livres et il les a mis dans ce livre, autour du même sujet. Donc, parmi les paroles de l'imam Malik, rahimahullah, « Ahlus sunnati humul ladhina laysa lahum laqabun yu'rafuna bihi, la jahmi, wa la rafidi, wa la qadari. » Donc l'imam Malik disait « Ahlus sunnah », les gens de la sunnah, sont ceux qui n'ont pas d'autre nom par lequel on les connaît, c'est-à-dire ils n'ont pas d'autre appellation par laquelle on les connaît que la sunnah. Et il a dit, après il a dit, ni, et il a dit des appellations, on les appelle ni Jahmi, ni Rafidi, ni Qadari. Bon là bien sûr il faut un peu d'histoire pour comprendre cette parole de l'imam Malik, sinon on ne va rien comprendre du tout. Déjà, ce laqab, cette appellation qui est Ahlus Sunnah, les gens de la Sunnah. D'où elle vient et pourquoi elle existe? Le premier dont il est rapporté qu'il a prononcé le mot Ahlus Sunnah ou Al-Jama'a, c'est Abdullah ibn Abbas. Et après lui, après la génération des Tabi'in, c'est rapporté de plusieurs personnes, comme par exemple Mohammed ibn Sirin, que vous connaissez tous, je pense, qui était un des grands Tabi'in de l'Irak. Il disait le mot Ahlus Sunnah. Mais pourquoi dire Ahlus Sunnah alors qu'on n'a qu'à dire les musulmans? Parce qu'à leur époque sont apparus des groupes qui ont divergé de l'islam tel que l'avait compris Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, les Sahaba, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Huraira. Donc des groupes qui ont inventé des nouvelles thèses, des nouvelles théories, des nouvelles idées dans l'islam. Et donc ils se sont distingués du groupe des musulmans, de ce qu'on appelle Al-Jama'a. C'est-à-dire qu'il y avait la Jama'a, qui suivait le prophète, qui suivait sallallahu alayhi wa sallam, qui suivait les quatre califes, qui suivait les grands tabi'in, et puis il y avait ce qu'on a appelé par la suite Ahlul Bid'a, les gens de l'hérésie ou Ahlul Ahwa, les gens qui suivent leur passion, leur tendance. Donc, en comparaison à ces gens-là, on a appelé ceux qui restaient sur l'islam originel, Ahlus Sunnah. Donc, l'imam Malik, il explique qu'est-ce que ça veut dire Ahlus Sunnah. Il dit, bah, c'est ceux qui n'ont pas d'autre nom que Ahlus Sunnah. Et après, il dit, la Jahmi, wa la Rafidi, wa la Qadari. Ça, c'est des noms de justement de groupes qui existaient à son époque et qui existaient depuis l'époque des Tabi'in. Il dit, ni Jahmi, c'est quoi Jahmi? Jahmi, ça vient d'un homme qui s'appelait Al-Jahm ibn Safwan. Et c'était un homme qui venait du Khorasan, c'est-à-dire Khorasan, c'est plus loin que l'Empire perse, plus loin que l'Irak, et qui a émis dans l'islam, et qui a diffusé chez les musulmans des idées très dangereuses au niveau de la croyance en Allah, au niveau de la croyance au destin, au niveau du paradis et de l'enfer, et au niveau de la conception de la foi, ces quatre choses-là. Et les tabi'in, lui, c'était à l'époque des tabi'in. Et donc les savants qui étaient contemporains de ce mouvement-là, ils les ont condamnés d'une façon extrêmement dure. Et donc ceux qui adoptaient les idées de Jahmi ibn Safwan, eh bien, on les appelait Jahmiya. Donc l'imam Malik, il dit, Ahl Sunnah, c'est quelqu'un dont on ne dit pas Jahmi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas adopté des nouvelles idées et les idées d'un gourou, d'un quelqu'un qui a fondé un nouveau truc. Tu peux pas, en fait, quelqu'un qui est sur la Sunna, tu peux pas le raffilier à un homme. Parce que, en fait, il ne suit pas les idées d'un homme spécialement. Il suit les idées, il suit pas d'idées, en fait. Il suit l'islam tel qu'il est, tel qu'il a été révélé. Donc tu peux pas le rattacher à quelqu'un. Donc ensuite il a dit, la Rafidi. C'est pas quelqu'un non plus dont on dit Rafidi. C'est quoi Rafiba? Rafiba, c'est une catégorie des chiites, chiites. Pourquoi on les appelait Rafiba? Ça vient du verbe Rafaba qui veut dire refuser. Parce que il y a plusieurs thèses sur l'origine de ce mot, Rafiba. Et c'est notamment, il est dit, Wallahu A'lam, que certains d'entre eux sont allés voir, si je ne me trompe pas, c'est Zayd ibn Ali, un des descendants de Ali ibn Abi Talib, pour essayer de tirer de sa bouche que Abu Bakr et Omar ont trahi l'islam, ont trahi le prophète, etc. Sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il a refusé. Et il a fait les éloges d'Abu Bakr et de Omar. Et eux ont refusé de le suivre dans ça. Donc on a dit Rafadou. Ils ont refusé de suivre. Donc on les appelait Ar-Rafida. En fait, plus ou moins, ça veut dire les chiites. Donc lui, il dit, l'imam Malik, tu peux pas non plus l'appeler Rafidi, parce qu'il n'est pas dans ce courant de dire, de critiquer Abu Bakr, Omar, Uthman. Il n'a pas de nouvelles thèses. Il aime bien les Sahaba, celui qui est de Ahl Sunnah. Wala Qadari. Tu peux pas non plus dire de lui Qadari. C'est quoi Qadari? Qadari, c'est référence au Qadar, le destin. Et en fait, ça fait allusion à un groupe qui s'appelle Al-Qadariya, qui sont apparus à une époque où certains Sahaba vivaient encore. Et notamment Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Abbas, ils étaient encore vivants quand ces gens-là sont apparus, et ils sont apparus en Irak. Et en fait, quelle était la thèse des Qadariya? Pourquoi on les appelait Qadariya? C'était des gens qui débattaient, et ils sont arrivés à la conclusion de dire qu'il n'y a pas de destin, en fait. Et Allah ne sait pas les choses à l'avance. C'est-à-dire, ils ont carrément assimiler l'ignorance, attribuer l'ignorance à Allah. Et bien sûr, ça c'est une sorte de kufr, d'apostasie et d'incroyance. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Omar, un jour il y a deux personnes de l'Irak qui sont venues le voir à Médine pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là. Ça s'est rapporté dans Sahih Muslim. Et ils lui ont dit, chez nous en Irak, il y a des gens qui disent, la qadar, il n'y a pas de destin. Wal amru unuf. Al-amru unuf, ça veut dire. Et tout se fait au jour le jour, sans que ce soit écrit, sans qu'Allah l'ait écrit, sans qu'Allah l'ait prédestiné. Alors Abdullah ibn Omar, il leur a dit, Akhbiruhum anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni. Il leur a dit, quand vous retournez en Irak, allez les voir. Et dites-leur que Abdullah ibn Omar n'a rien à voir avec eux et qu'ils n'ont rien à voir avec Abdullah ibn Omar. Et ensuite il leur a dit, Wallazi nafsi biyadihi. لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. Il leur a dit, dites-leur que si l'un d'entre eux il donne l'équivalent de la montagne d'Uhud en sadaqa, Allah ne l'acceptera pas de sa part, tant qu'il ne croit pas au qadar. Pourquoi? Parce que le qadar, ça fait partie de quoi? L'iman ou le qadar? L'iman. L'iman, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyumil akhiri wa al-qadar, khayrihi wa sharrihi. Donc eux, ils ont enlevé un des six piliers de la croyance des musulmans. Donc tout ça pour vous dire que parfois, beaucoup de musulmans, quand on lit pas l'histoire, on lit pas le dogme, on n'apprend pas, on sait pas, on peut pas s'imaginer ou on n'avait pas soupçonné que déjà à cette époque-là, il y a des gens qui racontaient des telles bêtises. Et pourtant, oui, c'est le cas. Ça existait. Et donc ces gens, ils étaient en Irak, leur foyer il était en Irak, et ils se sont multipliés. Mais si vous voulez, ils sont toujours restés une minorité. Ils sont toujours restés des gens mis sur le côté. Et donc c'est pour ça que l'imam Malik disait, on ne peut pas l'appeler non plus Qadari, celui qui fait partie de la Sunna. Wa qala rahimahullah, dans une autre parole, il disait, wa sunnatu ma lasma lahu ghayru sunna. Il disait la sunna, c'est ce qui n'a pas d'autre nom que la sunna. C'est un peu le même sens que la parole qu'on vient de dire juste avant. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Ensuite il a cité le verset dont on a parlé tout à l'heure, dans lequel Allah dit وأن هذا صراطي مستقيما, voici mon chemin qui est droit dans toute sa rectitude, فاتبعوه, alors suivez-le. ولا تتبعوا السبل, et ne suivez pas les chemins qui vous écarterez de son chemin. En fait, il veut dire quoi? Que ce chemin, le chemin d'Allah, c'est As-Sunnah. C'est pour ça que dans le tafsir de Tabari par exemple, quand on lit le tafsir de ce verset, wa anna hadha sirati mustaqiman, certains ils disaient Al-Qur'an, voici mon chemin, ça veut dire le Qur'an. D'autres ils disaient Al-Islam. D'autres ils disaient As-Sunnah. Est-ce que ça se contredit, toutes ces paroles? Ça ne se contredit pas, parce qu'en fait, le chemin d'Allah, c'est l'islam. Et l'islam, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est suivre le Coran. Et pour suivre le Coran, bah, il faut suivre aussi la sunna. Voilà. En fait, c'était simplement des exemples. ثم قال رحمه الله والحكم الذي يحكم به بين الناس ou plutôt والحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان. L'imam Malik, il disait الحكم. الحكم, ça veut dire le jugement. Par lequel on juge entre les gens, c'est deux choses. Ma fi kitabillah, ce qui est dans le livre d'Allah, donc c'est le Coran. Wa ma ahkamathu sunna. Et là, le mot, il est très important. Ahkama. En arabe, ça veut dire quoi, ahkama? Ahkama, c'est un peu dur à traduire, ça. Ahkama. C'est quand tu fais une chose et tu la fais vraiment bien et de façon réglée, quoi. Donc lui, l'imam Malik, regardez, dans cette parole, il n'a pas dit ma fi kitabillah ou ma fi sunna, ce qui est dans le Coran et ce qui est dans la sunna. Il a précisé plus que la sunna. Il a dit ma ahkamathu sunna, c'est-à-dire ce que la sunna elle a entre guillemets réglé et qui est inéquivoque. Pourquoi est-ce qu'il a précisé ça? Et ça, ce mot, on le retrouve dans beaucoup de paroles des anciens. Et quand ils disent la sunna, ils disent pas juste sunna, ils disent sunnatun muhkama. Une sunna qui est muhkama, c'est-à-dire elle est établie et elle est sans équivoque. Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Parce que, si vous voulez, les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y en a plein. Il y a plein de hadiths. Et dans ces hadiths, il y en a qui sont authentiques, il y en a qui ne le sont pas. Donc les hadiths, plus ou moins, c'est ça qui représente la sunna. Mais de tout cela, on ne doit suivre que ce qui est muhkam, c'est-à-dire ce qui est clair et établi. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que il existe des hadiths, ça peut exister des hadiths, que personne n'a mis en pratique depuis 1400 ans. Alors pourquoi? C'est-à-dire le hadith, si on le regarde comme ça, on va trouver qu'il est authentique. Pourtant, tu vas trouver que ni Abu Hanifa, ni Malik, ni Shafi'i, ni Ahmed, ni même les autres d'avant, ils l'ont mis en pratique. Alors pourquoi? Parfois, on n'a pas le pourquoi. Mais le fait que eux tous, toute la Ummah, délaisse ce hadith, c'est une preuve de quoi? C'est une preuve qu'il faut le délaisser. Parce que les hadiths, vous savez que dans le Coran, il y a des versets qui sont abrogés. Ben dans les hadiths aussi, parfois le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il jugeait d'une chose et après il jugeait d'autre chose, autrement, selon les circonstances. Donc il est possible que nous, parfois, on ait un hadith, mais les anciens savaient que ce hadith n'est pas à mettre en pratique ou qu'il est abrogé. Donc c'est pour ça qu'Allah nous dit dans le Coran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, celui qui se distingue du prophète, c'est-à-dire qu'il ne veut pas suivre le prophète, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, et qui suit un autre chemin que celui des croyants. Ça c'est dans sourate An-Nisa. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Donc Allah a menacé cet individu en disant, ce genre d'individu, en disant وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ, nous le jetterons en enfer. Donc quel critère Allah a dit ici? وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, c'est-à-dire celui qui ne veut pas suivre le prophète. Et ensuite il a dit وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, et qui suit un autre chemin que celui des croyants. C'est-à-dire qu'aussi, et un autre critère encore, c'est le chemin des croyants. C'est-à-dire ce qui a été établi par Abu Bakr, Omar, Uthman, toujours les mêmes. C'est-à-dire les salaf salih, les sahaba et les tabi'i. Donc parfois, il existe des hadiths dont les fuqaha disent لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلِ. لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلِ, ça veut dire ce hadith n'est pas mis en pratique. C'est-à-dire tous les fuqaha l'ont délaissé. Mais ça, bien sûr, ce n'est pas sur 100 hadiths. Hein. Il y en a juste quelques-uns. Par exemple, l'imam al-Tirmidhi, dans son livre, déjà, bon, vous connaissez tous l'imam al-Tirmidhi. Comment il s'appelle son livre? Son livre, souvent, on l'appelle Sunan al-Tirmidhi. Mais le vrai titre de son livre, c'est Al-Jami'a. Al-Jami'a. Al-Jami'a, ça veut dire, comme s'il voulait dire, un livre exhaustif, un livre qui regroupe les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais savez-vous quel est le but de l'imam Tirmidhi dans son livre? D'abord, une première question. Est-ce qu'il n'y a que des hadiths authentiques dans le livre de Tirmidhi? Non, il y a beaucoup de hadiths qui ne sont pas authentiques. Est-ce que lui, il le savait ou pas? Oui, il le savait. Alors, question. L'imam Tirmidhi. L'imam Tirmidhi, quand on parle de l'imam Tirmidhi, faut mettre les choses à leur place. C'est-à-dire, tu ne peux pas comparer Tirmidhi avec, par exemple, des savants de maintenant. L'imam Tirmidhi, c'est l'imam Tirmidhi dans le hadith. C'est une sommité. Si l'imam Tirmidhi te dit le hadith, c'est sans rien, tu n'as pas besoin de chercher. Tu prends. Et... Donc lui-même, il savait qu'il y avait des hadiths qui n'étaient pas authentiques dans son livre. Comment ça? En fait, l'imam Tirmidhi, il a dit, lui-même, il a expliqué sa méthodologie. Il a dit, j'ai voulu mettre dans ce livre tous les hadiths. Et il a dit en arabe, Allati alayha al-amalu. Si je traduis littéralement, c'est nul. Alors, donc on va expliquer. En fait, il a dit, j'ai voulu mettre dans ce livre tous les hadiths que les fuqaha, les juristes musulmans, ont utilisés depuis l'époque des sahaba. Donc parfois ce sont des hadiths authentiques, parfois ils ne sont pas authentiques. Mais des savants les ont prononcés, c'est-à-dire ont prononcé des verdicts en concordance avec ce hadith, même s'il n'est pas authentique. Donc il a voulu nous montrer en fait les arguments des fuqaha depuis toujours, sans parler qu'ils soient authentiques ou pas. Donc ça c'est une notion qui est importante, c'est sabil ul mu'minin, ce qui est la pratique des musulmans depuis toujours. Ça c'est un critère dans l'islam. Je vais vous donner un exemple. Et ça c'est quelque chose, quand vous lisez des livres contemporains, parfois il faut se méfier. Les livres où on vous dit par exemple, ouais, le hadith il est da'if, donc faut pas faire ça. C'est vrai qu'à la base, si un hadith il est da'if, qu'est-ce qu'on fait avec? Bon, on le suit pas, on le prend pas. C'est vrai, ça c'est vrai là, à la base. Mais parfois c'est pas si facile. Je vais vous donner un exemple. Quand on fait le tawaf, qu'est-ce qu'on fait après ça? Après le tawaf. Que ce soit dans la umra, dans le hajj, ou même quand on fait le tawaf, nafila, comme ça. Qu'est-ce qu'on fait après le tawaf? Fait raka'atayn. Qu'est-ce qu'on récite comme surat dans ces deux raka'a? Première raka'a, qul ya ayyuha al-kafirun. Deuxième raka'a, qul huwa Allahu ahad. D'où ça vient ça? Il y a un hadith qui dit ça. Il y a un hadith. Le problème, tous les grands huffaz, c'est-à-dire les grands imams du hadith, ils disent ce hadith, il n'est pas authentique. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit donc, c'est pas légiféré? C'est pas sunna de dire qul ya ayyuhal kafirun qul huwa Allahu ahad. Si on se base que sur le hadith, on va dire ça. Mais est-ce que l'islam il est basé que sur les hadiths? Non. Il y a le Coran, il y a les hadiths, et il y a sabil al-mu'minin, c'est-à-dire la pratique des musulmans depuis l'époque des sahaba. Or, tous les fuqaha de l'islam et des quatre écoles sont unanimes pour dire qu'il faut réciter, enfin c'est bien, c'est recommandé, de réciter ces deux sourates dans les deux rak'as du tawaf. Donc ça, c'est un dalil, si vous voulez, c'est une preuve indépendante du hadith. Donc il suffit pas de lire dans un livre, le hadith il est daif, donc ça je le fais pas. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est comme par exemple pour l'Eid. Quand l'imam il fait la khutba, est-ce qu'il doit faire une khutba ou est-ce qu'il s'assoit entre les deux comme pour le Jumu'ah? Ben, vous trouverez des livres où on va vous dire, ben, il n'y a aucun hadith qui dit qu'il faut faire deux khutba. Pour le Jumu'ah, il y a des hadiths. Comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait, après il s'asseyait, et après il se relevait. Mais pour l'Eid, non. Donc si on se base que sur ça, qu'est-ce qu'on va dire? Que pour l'Aïd, qu'est-ce qu'on fait? On fait pas, on fait qu'une khutba. Alors pourquoi les quatre imams, les quatre écoles et les musulmans depuis toujours, ils disent qu'il faut faire deux khutba? Ils savaient pas, eux, que le hadith n'est pas authentique. Et nous, 1400 ans plus tard, on sait mieux qu'eux. Ben en fait, c'est que la référence dans ça, c'est pas le hadith. C'est autre chose. C'est quoi cette autre chose? C'est Al-amal, al-amal, al-mutawatir. C'est la pratique mutawatir répandue des musulmans depuis toujours. C'est pour ça que si, certains savants, ils expliquent par exemple que tu lis les savants de l'Andalousie des années 300-400, ils te disent il faut faire deux khutbah parce que c'est comme ça que les musulmans ils font. Et tu lis des savants hanafites qui était vers l'Afghanistan, l'Inde, ils te disent qu'il faut faire deux khutbas parce que c'est comme ça que les musulmans y font. Ça s'appelle At-Tawatur al-Amali. Ça veut dire, c'est ça qu'on connaît depuis toujours. Il ne faut pas le rediscuter, ces choses-là. C'est comme Al-Jumu'ah, il y a deux Adhan. Un à l'heure du Jumu'ah, puis un petit peu avant. C'est qui a instauré ça dans l'islam? C'est Uthman ibn Affan. Donc est-ce que nous, on peut se permettre de dire... Bon, après tout, Uthman, c'est pas un prophète. Donc on peut discuter ce qu'il a dit. Or, un deuxième adhan, l'adhan c'est une ibada. Donc pour faire une ibada, il faut un dalil. Il n'y a pas de hadith qui nous dit de faire deux adhan. Donc non, c'est faux. Donc c'est faux, c'est une bid'a. Même si Uthman, il l'a fait. Est-ce qu'il nous appartient de dire ça? Haram, celui qui dit ça. Celui qui dit ça, il parle sur Allah sans savoir. Pourquoi? Parce que premièrement, celui qui l'a instauré, c'est Uthman. C'est pas le boulanger du coin. C'est Uthman, dont le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Suivez ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés. Uthman, il fait partie de cela. Ensuite, c'est sûr que Uthman, ce qu'il a fait là, c'est un ijtihad. C'est pas basé sur un hadith. Mais le fait que son ijtihad, il a été accepté par tous ceux qui étaient là à ce moment-là. Tous les sahabas qui étaient là, ils n'ont rien dit. À part Abdullah ibn Omar, il n'était pas d'accord. Mais est-ce qu'on va suivre Abdullah ibn Omar et on va laisser toute la masse des sahabas, dont Ali, le quatrième? Donc le fait que eux tous, ils étaient d'accord sur ça, et qu'après ils l'ont mis en pratique, et à la génération d'après, eh ben, ça veut dire que c'est ça la religion des musulmans, un point, c'est tout. On ne rediscute pas ces choses-là. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que vous allez trouver des livres où ils mettent ça en question au nom de, soi-disant, la sunna. Ou alors la salafia, on est des salafis, donc jusqu'au bout, on suit le hadith à fond, et Uthman, ce qu'il a fait, c'est une erreur. Ajib, c'est marrant ça, parce que salafi, soi-disant, ça veut dire qui suit qui? Les salaf, ben Uthman, c'est qui? si Uthman, il ne fait pas partie des salafs, ben c'est qui fait partie? Salaf, ça veut dire les anciens. Donc il ne faut pas se laisser berner, se laisser leurrer par des prétentions de ce genre. La religion des musulmans, elle a été établie depuis l'époque d'Abou Bakr, Omar, etc. C'est comme le Tarawih. Tarawih, na'am, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, elle nous a dit que le prophète a jamais fait plus de 11 dans la Kaaba. C'est vrai, elle l'a dit. C'est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Est-ce que ça veut dire que pour le Tarawih, j'ai pas le droit de faire plus de 11 dans la Kaaba? Si je prends que le hadith de Aïcha tout seul, ça va être quoi la réponse? Si je prends que le hadith de Aïcha et j'oublie tout le reste, c'est-à-dire il n'y a que moi comme musulman depuis 1400 ans, et je prends le hadith de Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prié plus de 11 raka'a, ni pendant Ramadan, ni en dehors de Ramadan. Si je le prends lui tout seul, je vais dire haram, bid'a, peux pas faire plus de hausse à la carte. D'accord. Maintenant, y a, comme je vous ai dit, il n'y a pas que le hadith. À l'époque de Omar ibn al-Khattab, quand Omar il a réinstauré le tarawih, qui ne se faisait plus derrière un seul imam à l'époque d'Abou Bakr, chacun y faisait des groupes, et Omar il a eu l'idée de réunir les gens derrière un seul imam. Déjà, vas-y, dis bid'a si tu veux. Que Omar il a fait une bid'a. Donc il a réuni les gens derrière un seul imam. Et il les a réunis autour de combien d'arka'a? 11 dans un premier temps, et dans les années plus d'après, il a vu que 11 raka'a, comme elles étaient longues, c'était lourd. Donc il a dit, on va raccourcir un peu les raka'at et on va en faire plus. Et il faisait 23. Et à l'époque de Ali, 23. Donc c'est pour ça que l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, il disait, le tarawih, c'est 23. C'est-à-dire, tu peux faire 11, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est connu et c'est permis, c'est 23. Et l'imam Malik, bon, bah alors lui, combien il disait, lui? 39. Il disait parce que ça fait plus de 100 ans qu'ici, à Médine, on fait 39 à la carte. Donc tu vas me dire que Omar, Ali, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, l'imam Malik et tous les gens de Médine là, en fait, eux, ils n'avaient pas compris. Mais toi, tout seul avec ton hadith, tu as compris qu'il ne faut pas faire plus de 11. Ajib, c'est une drôle de façon de fonctionner. Sachant que Aïcha, radiallahu anha, elle était vivante ou elle était morte à ce moment-là? Elle était vivante? Bah alors pourquoi elle n'a rien dit? Elle avait peur, Aïcha? Aïcha, elle n'avait pas peur. Donc combien de fois Aïcha, elle a dit, Abdullah ibn Omar, il s'est trompé. Abdullah ibn Omar, il s'est trompé. Omar, il s'est trompé. Aïcha, elle avait peur de personne. Elle le disait. Alors pourquoi là, elle n'a rien dit? C'est elle qui a dit, parce que le hadith, il ne veut pas dire ça, tout simplement. Parce que le hadith, il ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de prier plus. Il veut dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait 11. Mais il ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de faire plus. Donc, je vous ai raconté tout ça, parce qu'en vérité, c'est quand même très important, par rapport à ce mot que l'imam Malik, il a employé. « Wa ahkamatu sunna » Une sunna muhkama. Pas un hadith comme ça, perdu dans un livre, dont on te dit il est sahih, mais jamais aucun des fuqaha ne l'a mis en pratique. Non, ça c'est pas une sunna muhkama. Je finis cette parole et puis on va arrêter. Comme ça, si quelqu'un doit rentrer avant la salle, il rentre. Il dit فَذَلِكَ الْحُكْمُ الْوَاجِبِ. Il dit c'est ça le hukm qui est obligatoire. C'est-à-dire le Coran et la sunna, mais la sunna muhkama, la sunna établie. وَذَلِكَ الصَّوَابِ. Et c'est ça la vérité. وَالْحُكْمُ الَّذِي يَجْتَهِدُ فِيهِ الْعَالِمُ بِرَأْيِهِ فَلَعَلَّهُ يُوَفَّقْ. Ensuite, il a parlé d'autre chose. Il a dit, et le hukm, c'est-à-dire le jugement, le décret, le verdict, que le savant aimé, yajtahid. Ça veut dire quoi yajtahid? Ça veut dire qu'il fait un effort pour réfléchir, pour arriver à une conclusion. Donc là, il parle de quoi? Il parle des questions qui ne sont pas claires parfois, clairement exposées dans le Coran ou dans la Sunna. Et donc, à qui il appartient de se prononcer sur ça? L'imam Malik a dit, al-alim. C'est-à-dire pas toi, pas moi. Al-alim, le savant, comme l'imam Malik. C'est-à-dire, il arrive quelque chose, c'est pas écrit dans le Coran, c'est pas écrit dans la Sunna. Comment on fait? Eh bien, le savant, il réfléchit par rapport à ce qu'il y a dans le Coran, par rapport à ce qu'il y a dans la Sunna, pour tirer une conclusion. Donc il a dit, bira'yihi. Il fait ça avec sa tête. C'est sûr, puisqu'on a dit, c'est pas écrit. Donc ça veut dire qu'il va le faire avec sa tête. Mais est-ce qu'il fait purement avec sa tête en se disant oh, ça j'aime bien, ça j'aime pas? Non, il y a une méthodologie. C'est pour ça qu'il n'y a que le savoir qui peut le faire par rapport à tous les hadiths qu'il connaît, etc. Il dit فَلَعَلَّهُ يُوَفَّقْ. لَعَلَّهُ ici c'est dans le sens de l'espoir. C'est-à-dire il y a de fortes chances qu'il soit muwaffaq, c'est-à-dire qu'Allah l'aide à trouver la vérité. Et dans tous les cas, il est récompensé pour l'effort d'interprétation qu'il a fait. Et le commun des musulmans comme vous et moi, on peut suivre le savant quand il a fait son ijtihad. Est-ce qu'il s'est trompé ou pas? Nous, on ne peut pas le savoir. Donc, on le suit. Wathalithun, et un troisième. Donc, vous remarquez qu'il a dit deux. Le Coran, la Sunna, et après, il a parlé du savant qui fait l'ijtihad. En fait, il l'a mis avec les deux. C'est-à-dire, tout ça, c'est bon. Et après, il a dit, Wathalithun, et il y en a un troisième, Mutakallif. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire quoi en arabe? Takallafa. Ça va être de le kulfa. Le kulfa, c'est quelque chose qui te pèse dessus. Takallaf, ça veut dire il s'impose quelque chose. De qui il parle l'imam Malik? Il parle de celui qui n'est pas alim et qui veut faire un ijtihad. Ça, c'est un mutakallif. Comme quelqu'un qui n'est pas boulanger et qui voudrait faire du pain. C'est un mutakallif. On lui dit, t'imposes pas à faire une baguette. T'as pas appris. Comme quelqu'un qui n'est pas boucher et il veut découper une vache. On va lui dire, ça c'est du takallouf. Là, tu es en train de t'en rajouter. Laisse ça aux gens qui savent. Donc le ammi ou le jahil qui veut faire un ijtihad, on l'appelle mutakallif. Il est en train de s'en rajouter pour rien. Mais il cherche à aller plus loin que sa limite. Donc là, il a dit, Fama ahrahu Allah yuwaffaq. Celui-là, il est digne de ne pas être muwaffaq. C'est-à-dire qu'Allah, il ne va pas le guider à la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le droit de... Ce n'est pas son domaine. Il n'est pas là pour ça et donc il ne va pas arriver à la bonne conclusion. Bon, aujourd'hui c'était un petit peu long, je vous l'accorde. Je suis d'accord avec vous, je sais ce que vous pensez. Mais, Inch'Allah, donc ça va prendre à mon avis 3 cours. Parce qu'il y a quand même pas mal de paroles à voir de l'imam Malik et elles sont très intéressantes. Et comme vous voyez, je m'étale un petit peu. Mais tout ça, c'est, alhamdoulilah, il y a de la faïda, Inch'Allah, on apprend. Et c'est un bon rappel. Et puis en plus, bah, ça nous change un petit peu. Des cours de tafsir qu'on reprendra donc quand on aura fini ça. Donc aujourd'hui on a fait que 3 paroles de l'imam Malik, il y en a 78, mais elles ne sont pas toutes longues, il y en a qui sont très courtes. Et donc on continuera ça la fois prochaine, Inch'Allah. Rabbana atina fil dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك